Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On est donc aujourd'hui dans le cours 89, dans l'explication du chapitre dans Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le charh du kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Avec le charh, c'est le charh de son petit-fils, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah. Avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ce charh. Donc on était dans le chapitre, le nouveau chapitre qu'on commence, c'est le chapitre 9, qui s'intitule « Babun man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima » c'est-à-dire le chapitre au sujet de celui qui recherche la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre, ou de quelque chose de ce genre, quelque chose semblable. C'est-à-dire, il y a des objets, des endroits, des choses desquelles les gens pensent parfois pouvoir obtenir une bénédiction spéciale. Et donc, ça rentre dans le shirk. Si, par exemple, des gens cherchent une bénédiction de choses qui n'est pas une source de bénédiction à la base. Donc, de croire que quelque chose peut bénir alors qu'elle ne bénit pas, ou qu'elle n'est pas bénie elle-même, ou qu'elle n'est pas une source de bénédiction elle-même, alors ça ne sert à rien de chercher cette bénédiction-là de la part de cette chose. Et ça peut donc justement rentrer dans le shirk si quelqu'un justement agit de cette manière. Parce que c'est comme si il attribue à cette chose-là quelque chose qui ne lui appartient pas. Et il pense que des choses peuvent bénir en dehors d'Allah, ou peuvent être une source de bénédiction en dehors de ce que Allah a béni. C'est comme par exemple, et ça je le mentionne à chaque fois parce que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Le jour où je suis allé à l'église avec ma mère et ma grand-mère, parce que quand j'étais plus jeune, on allait toujours à l'oratoire Saint-Joseph. Ici, là, sur, côte sur Queen Mary. Et, subhanallah, je me rappelle qu'à l'époque, pour aller là-bas, on venait de l'Est de Montréal. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. On venait de l'Est de Montréal, donc c'était presque un voyage, pas un voyage, mais je veux dire, c'était une longue randonnée, disons, pour pouvoir arriver jusqu'à cet endroit-là. Et pour dire franchement, à l'époque, j'étais petit, donc je faisais que suivre ma mère et ma grand-mère. Vous comprenez, les autobus et les différents transports pour arriver jusque-là. Et je ne savais pas du tout où c'était. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que plus tard, je découvre par moi-même, quand je suis devenu plus âgé, là, quand j'ai pris les transports en commun tout seul. C'est là que j'ai su que finalement c'était ici. Hein? Pas loin, juste au coin ici, là. Sur Queen Mary. Donc, tout ça pour dire que une fois on est allé à l'oratoire et puis on est entré dans un petit bureau, comme une sorte de chapelle à l'entrée, là. Avant de rentrer dans l'église, il y a comme un petit bureau, un petit endroit là où on peut s'arrêter pour prendre de l'eau bénite. Et Yanni, peut-être que toi tu sais parce que t'as connu ça auparavant, avant l'islam. Lorsque tu rentres dans une église, il y a toujours un genre de petit truc en marbre, un genre de petit bassin là, avec un creux, puis il y a toujours un peu d'eau là-dedans. Et les gens, quand ils rentrent, ils mettent leurs doigts dans cette eau-là et puis ils font le signe de croix avec. Et ils disent que c'est de l'eau bénite. Et cette eau bénite-là, si tu en veux, pour amener chez toi, il y avait dans cet endroit-là une genre de citerne, une petite citerne, là, où tu pouvais justement prendre des petites bouteilles en plastique puis te remplir quelques bouteilles, si tu voulais, pour amener avec toi. Je pense qu'il fallait payer 25 sous pour en avoir une. Et puis, à chaque fois, j'avais pris l'habitude, quand j'allais avec ma grand-mère, d'aller pr- prendre une ou deux bouteilles pour amener avec moi. Et puis cette fois-là, en rentrant à l'intérieur, il y avait toujours une religieuse qui était assise et qui répondait aux gens, puis qui aidait les gens. Et cette fois-là, elle m'a vu me précipiter vers les bouteilles en plastique pour prendre de l'eau bénite, soi-disant. Et puis, elle m'a dit, « Non, non, attends, elle n'est pas encore bénite. Elle n'est pas encore bénite. » Alors moi, j'ai été comme un peu surpris, là, puis je me suis dit, « Ah, vraiment, elle n'est pas bénite? » Alors là, j'ai dit, « Mais quand est-ce qu'elle va être bénite? » Elle m'a dit, « Il faut attendre, le prêtre, il va venir pour la bénir. » J'ai dit, « D'accord. » Alors, finalement, moi et ma mère, on est sortis avec ma grand-mère. Et au moment où on sortait, « Wa alaykoum salam wa rahmatullah. » Au moment où on sortait, le prêtre, il arrivait. En même moment qu'on était, on est arrivé dehors, juste devant la porte, et là, au même moment, le prêtre arrivait. Et là, j'ai dit au prêtre, parce que j'avais les bouteilles dans mes mains, j'ai dit, on a pris de l'eau, elle n'est pas bénite encore. Alors le prêtre, il a pris la bouteille dans sa main, et puis il a fait une croix avec son doigt, comme ça, sur la bouteille. Il a dit, ça y est, maintenant, elle est bénite. Alors là, j'étais comme vraiment choqué, parce que je me suis dit, quoi, c'est ça l'eau bénite? C'est-à-dire, le prêtre, il fait avec ses doigts comme ça, il fait un petit croix, puis ça y est, l'eau devient bénite. Tout d'un coup, elle est différente qu'avant. À la kulli hal, quand j'ai vu ça, ça m'a comme... Comment je pourrais dire? C'est comme si ça m'a comme détruit quelque chose en moi. À ce moment-là, j'ai compris que... Oui, c'est ça. Donne-moi mon argent, là. C'est un autre exemple aussi comme ça, en parlant d'argent. J'étais petit, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les églises catholiques, il y a toujours un endroit où il y a des lampions. Tu peux allumer, exactement. Et ces lampions-là, il y en a différentes grosseurs. Il y a les petits lampions, il y a les gros lampions. D'accord? Et je demandais souvent à ma mère, je dis, mais pourquoi on allume les lampions? Elle dit, on allume les lampions parce que quand on fait une prière, en allumant le lampion, ta prière continue à se faire jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. En voulant dire que le lampion continue à faire ta prière pour toi, pendant que même si tu t'en vas, tant que le lampion il brûle, ta prière elle continue, soi-disant. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont pris ça, franchement. Mais écoute, qu'est-ce qui est arrivé, c'est encore plus incroyable que ça. Ça, c'était sur une église sur la rue, je crois que c'était Beaubien, hein, près de la rue Saint-Hubert. Il y a une chapelle, là-bas, il y a une église. Et sur le devant de cette église-là, il y a comme un genre de... Comment on appelle ça, là? C'est pas une mosaïque, il y a comme un dessin d'un personnage, là. C'est comme, je sais pas si c'est un saint ou je sais pas quoi. Et c'est en forme d'icône. En tout cas, c'est toute une peinture, là. C'est vraiment... Quand tu le vois, ça fait peur un peu, même. Et ma grand-mère habitait comme deux coins de rue à côté de cette église-là. Donc, en tout cas, ce jour-là, on était rentré dans l'église. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais jeune, encore j'étais tout petit. J'ai pris un bâton, j'ai allumé le bâton avec un lampion. Puis là, j'ai commencé à allumer plein de lampions. Des gros à 1$, des petits à 25 sous. Parce que les gros, c'était comme 1$, les petits, c'était 25 sous. Donc là, moi, je commençais à les allumer. J'en ai allumé plein. Là, après, je suis parti. La dame là qui était la religieuse qui était à l'intérieur, quand elle m'a vu faire ça, elle est courue. Quand on est parti, elle est courue derrière ma mère, hein, pour lui dire, madame, votre fils là, il a allumé plein de lampions là. Il faut payer là. Aïe, aïe, aïe, j'ai dit subhanallah. Et j'ai pas dit subhanallah parce qu'à l'époque, j'étais pas musulman, mais aujourd'hui, je dis subhanallah parce que je me dis, mais c'est quoi ça? C'est toutes sortes d'exemples comme ça, de charlatans, là, des voleurs, des menteurs qui jouent avec la religion d'Allah, qui jouent avec les gens, qui raconte toutes sortes de mensonges à propos d'Allah, à propos de Isa, à propos de la religion, qui fait que finalement la religion devient comme un genre de jeu, hein, pour ces gens-là. Oui, les gens ne croient plus ça parce que ça devient c'est comme des genres de folklore, ça fait plus de sens. C'est pas basé sur rien, c'est pas basé sur des preuves, c'est pas basé sur des références religieuses, ni bibliques, ni rien, finalement. Hein? Donc ça, c'est pour ça que les musulmans sont tellement, en tout cas les musulmans qui sont sur la sunna, sont tellement acharnés sur le fait justement de condamner les innovations, les bidats dans la religion, parce que en faisant des innovations dans la religion, c'est ça ce qui arrive. Qu'est-ce que les chrétiens et les juifs font aujourd'hui? C'est exactement ça. Donc, tous ces exemples-là sont des exemples qui font que beaucoup de gens parmi les musulmans sont tombés dans des choses semblables à cause de la bid'ah. Et tu le vois chez des sectes et des groupes, des soufis et autres, des gens qui font des choses qui ne font aucun sens. L'autre jour, je lisais quelque chose sur Internet à propos d'un groupe de musulmans au Vietnam qui prient des idoles et des choses de ce genre, puis ils font toutes sortes de choses de shirk, puis ils se disent musulmans malgré tout. Hein? Et dans cette soi-disant secte musulmane, comme ils disent, les femmes, c'est elles qui dirigent la prière, puis je ne sais pas, un truc vraiment étrange. Et là, les koufars, eux, ils font des études sur ces groupes-là. Il y a des ethnologues qui partent, ils font des recherches, ils vivent avec ces gens-là pendant un certain temps, puis ils font des études là-dessus. Et après ça, ils présentent ça aux gens, ils disent, regardez, l'islam, c'est une religion à multi-visages, en voulant dire, il y a plusieurs versions de l'islam, puis chacun peut choisir celle qu'il veut, finalement faire qu'est-ce qu'il veut dans la religion. Ça, c'est le résultat de l'égarement, de l'ignorance et des innovations et de l'éloignement de qu'est-ce que Allah a révélé à son messager. Donc, tout ça, c'est très, très, très grave. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et enseigner, étudier et apprendre encore plus sa religion pour pouvoir justement l'enseigner aux autres. Donc, pour revenir au sujet, on est dans le titre. Et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il disait ensuite, donc par rapport à où on s'était rendu, il dit « وَكَذَلِكَ التَّبَرُّكْ بِالنَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ » On avait parlé du fait de chercher la bénédiction du prophète صلى الله عليه وسلم ou de ce qui vient de son corps ou ce qui sort de lui. On a mentionné que ça c'était spécifique au prophète صلى الله عليه وسلم et à ce qui est de sa personne, réellement de sa personne. Et non pas des choses que les gens possèdent, certaines personnes qui aujourd'hui peuvent prétendre posséder quelque chose qui fait partie du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un cheveu ou des mèches de cheveux ou des choses de ce genre. Et il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier si c'était vraiment ses cheveux sallallahu alayhi wa sallam ou bien les cheveux de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui cherchent la bénédiction des objets qui ont supposément appartenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que les objets qui lui ont appartenu ne sont pas des objets dont on a le droit de chercher la bénédiction, d'accord, parce que il faut que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui fait partie de son corps à lui ou de sa personne. Et ça, c'était, il y en a certaines de ces choses là après sa mort on pourra jamais, hein, comme sa salive ou sa sueur ou des choses comme ça, ça on peut pas trouver ça après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne ses cheveux, eh bien on sait que comme on a dit, on peut pas vérifier aujourd'hui si quelqu'un dit ça c'est des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on peut vérifier ça? Allahu a'lam. En ce qui concerne les objets ou les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, où il s'est tenu, où il s'est assis ou des choses de ce genre, hein, on n'a pas le droit de prendre ou de chercher de ces endroits-là non plus la bénédiction. Et de faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire chercher la bénédiction de ces choses-là, ça rentre dans la bid'a aussi. On a expliqué ces choses-là. Il dit, les sahaba n'ont jamais fait ça. Par exemple, les sahaba n'ont jamais cherché à marcher exactement à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, prier à l'endroit où il a prié exactement, ou toucher à l'endroit où il était, ou un objet qu'il a touché, ou des choses de ce genre, pour chercher la bénédiction. Ils n'ont jamais fait ça. Et même que, comme j'avais mentionné, Omar ibn al-Khattab qui a coupé l'arbre de la bay'a, de l'Aqaba, pour justement préserver et protéger les musulmans, pour éviter qu'ils tombent dans le shirk à cause de cet arbre. Hein? L'arbre qui est mentionné dans le Coran, sous lequel les croyants ont fait l'allégeance. Donc ensuite, le cheikh, il explique, il dit « فَلَا يُتَبَرَّكْ بِهَذِهِ الْآثَارِ » Donc il y a certains musulmans parmi les gens de bid'a qui font tout un plat avec ces histoires-là, dans le sens que ils disent « Ah, pourquoi ils disent les wahhabiyas, hein, les wahhabiyas, ils veulent nous interdire d'aller visiter la grotte de Hira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, ils veulent nous empêcher de garder les reliques, hein, ils disent les reliques saintes, ou yani, et des choses de ce genre, ou des endroits qu'ils appellent des mashahid. Mashahid, c'est pas des mosquées, c'est des endroits où, soi-disant, il y a eu un saint, ou un sahabi, ou quelqu'un qui est pieux, qui a été à cet endroit-là, ou qui est mort à cet endroit-là, eux, ils en ont fait des lieux de pèlerinage, ils appellent ça des mashahid. Et donc, quand les musulmans, les dirigeants musulmans, ou bien les ulama, ordonnent que ces endroits-là soient détruits, ils disent « Ah, ils veulent détruire nos reliques, ils veulent détruire nos endroits pieux, nos endroits saints, et ainsi de suite. » Ça, c'est des wahhabiyas, et ainsi de suite. Ils n'aiment pas les hommes pieux, alors que ça, tout ça, c'est jouer avec les sentiments des gens pour essayer de leur faire avoir de la jalousie pour la défense des endroits où les gens font du shirk. C'est un petit peu semblable à l'attitude des mouchriquins lorsqu'ils disaient « وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا hein, » Ils disaient « Ne laissez pas vos idoles. Hein? » Les chefs des mouchriquins, ils disaient « Ne laissez pas vos idoles. Ne laissez pas Wad et Suwa' wa Yaghouth wa Ya'ouq wa Nasr. » En voulant dire, ils s'encouragent les uns les autres à rester dans le shirk et à persister dans le shirk et à persévérer dans le shirk. Ou bien c'est comme il disait dans Surat Sad, quand Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu, c'est quoi ça? Umshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Donc c'est comme si il disait marchez puis restez ferme sur vos idoles et vos divinités. Donc il s'encourage dans le shirk. Il y a des gens comme ça qui se disent musulmans et qui veulent faire la même chose avec les tombes et les tombeaux et les endroits que les gens adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh il dit ensuite, donc on ne doit pas chercher la bénédiction de ces endroits-là parce que ça fait partie des bid'ahs. Il dit لأنه من البدع ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته أن يتبركوا بحجرته أو أن يتبركوا بغار حراء ولا بغار ثور ولا الأمكنة التي نزل عليه الوحي فيها ولا بدار المولد وإذا ثبت أنه ولد في هذا المكان فلا يتبرك بهذه الأشياء لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابته الكرام وهم أعلم الأمة بما يجوز ولا يجوز وما لا يجوز ولا فعله السلف الصالح من القرون المفضلة وإنما يتعلق بهذه الآثار كما يسمونها الجهلة والمخرفين الذين لا يهمهم الدليل وإنما يهمهم ما قاله فلان وعلان وما تهواه أنفسهم فالتبرك بالآثار والأشجار كل ذلك محرم وشرك لأنه طلب للبركة من غير الله سبحانه وتعالى. Donc ici, le cheikh, hein, il mentionne ces paroles fortes. Il dit qu'on ne doit pas, hein, chercher la bénédiction de ces choses-là. Parce que c'est des innovations, parce que ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'a pas été légiféré pour la umma de chercher la baraka de ces habitations, de ces appartements par exemple. Et peut-être que c'est une des sagesses pour lesquelles les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été préservées, hein, justement, pour éviter que des gens fassent le shirk avec ces endroits-là. De même que l'endroit où il allait sur la grotte, hein, maintenant je pense que ça a été détruit dernièrement, Inch'Allah, je pense qu'ils ont fait ça finalement, donc c'est une bonne chose. Voilà Birar et Thawr, non plus la grotte de Thawr. Je pense que Thawr c'était l'endroit où, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, et il s'était abrité dans une grotte. Je pense que c'était cette grotte-là, hein, Rar Thawr. Il dit ni non plus les endroits où il a reçu la révélation, ou l'endroit où il est né, supposément. Donc, il dit si effectivement c'était vrai, hein, et que c'est confirmé qu'il était né à cet endroit-là, eh bien, on n'a pas le droit de chercher la bénédiction de cet endroit-là. Et je vous ai raconté la dernière fois que il y a une cabane, un genre de petite cabane comme ça, pas loin du haram. C'est un bureau administratif, je pense. Ils ont dit que c'était à cet endroit-là où était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il est né. La maison dans laquelle il est né. Il n'y a aucune référence, Wallahu a'lam, je ne connais aucune référence à ce sujet-là, du fait qu'il serait né à cet endroit-là exactement. Parce que si vous allez à la Mecque aujourd'hui, c'est très difficile de repérer les lieux tels qu'ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout a changé là-bas. D'accord? Et même si, effectivement, à cet endroit-là où ils disent que c'était là, il y avait réellement la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est né, est-ce que vous avez entendu dans un hadith, ou dans une narration des sahaba, ou des ulama, qu'il y a un mérite quelconque à visiter l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né? Sallallahu alayhi wa sallam. Non, même les sahaba à l'époque, ils n'allaient pas à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pour aller chercher la baraka. Hein? Et ils n'allaient pas prier à cet endroit-là. Aujourd'hui, tu vas là-bas, et les gens, ils font la queue les uns après les autres pour attendre pour faire rak'atayn à cet endroit-là. Comme s'il y avait un mérite spécifique ou spécial de faire rak'atayn à cet endroit-là. Et quand je les ai vus, les gens... Et ça, c'est une chose qu'on doit se rappeler. Quand vous allez à Mecca, quand vous allez à Médine, si vous voyez les gens attroupés dans un lieu en train de tous attendre pour faire quelque chose et que vous ne savez pas ce que c'est, méfiez-vous de cette chose-là. Et demandez à ceux qui savent et cherchez la science à ce sujet-là. Ne faites pas que imiter aveuglément qu'est-ce que les autres sont en train de faire. Parce que vous risquez de tomber dans les bid'ahs ou même dans le shirk, sans même savoir. Hein? Et dernièrement, il y a quelques années en arrière, il y avait cette vidéo-là qui était apparue sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose vraiment... Ça m'a choqué, franchement. Et ça a choqué beaucoup de monde. Des gens qui venaient de l'Inde, hein, et qui faisaient le wudu avec de l'air. C'est-à-dire, il n'y avait même pas d'eau. Et là, ils faisaient les mêmes gestes comme s'ils étaient en train de faire le wudu. Hein? Et le pire, c'est ça qu'il y a un des, je pense que c'est un Saoudien qui filme avec sa caméra, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu fais? Même le tayammum, ça ne se fait pas comme ça. Hein? Tayammum, ce n'est pas de cette façon-là. Donc si supposément tu faisais le tayammum, à la limite, tu fais le tayammum, ce n'est pas comme ça. Donc là, de faire imiter les gestes du wudu, il n'y a pas d'eau. Et l'autre qui était, par exemple, indien qui est en train de le faire, il ne parle pas l'arabe, il ne comprend pas l'arabe, il ne connaît pas. Donc, à la limite, on peut comprendre que quelqu'un l'a trompé. Parce qu'il n'a pas le moyen de se renseigner ou d'aller chercher la connaissance sur ces choses-là. Il a suivi son cher soufi qui lui a dit que l'air de la Mecque est purifiante et que peu importe où tu es à Mecca, t'as juste à faire les gestes du wudu, puis ça fait comme si tu étais en train de faire le wudu. Et eux, ils le font comme des, hein, comme des moutons, là. Ils suivent. Mais il y avait un autre qui était égyptien à côté, et qui parle arabe, qui comprend l'arabe. Et le monsieur lui pose la question, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de faire la même chose que lui? Il dit, ben oui, mais je l'ai vu faire ça, donc... Il dit, est-ce que toi, tu as appris dans la religion de l'islam que le wudu, ça se fait sans eau, de cette façon-là? Et l'autre, c'est comme si, vraiment, quand des fois tu vois des gens faire des choses, et les autres, ils copient. Il y en a comme des singes, hein? Ils ne réfléchissent pas. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses-là, parce que ces choses-là, ça se fait de cette façon-là. Je me rappelle quand j'étais converti au début, dans la mosquée où j'étais converti, je voyais des gens qui faisaient certaines choses. Après chaque prière, tu les vois, ils le font systématiquement. Et il y a des choses dans ces choses-là, il y a des choses qu'ils font, parmi les choses qu'ils font, il y en a que c'est correct, mais il y en a d'autres. C'est juste des coutumes, des traditions que les gens font, qui sont en réalité des bid'a, mais ils ne savent pas. Alors, heureusement, alhamdoulilah, Allah, il m'avait permis de connaître un homme qui était sur la sunna, pour justement m'orienter, puis de me montrer les choses qui sont réellement basées sur la sunna et les choses qui sont des innovations. Mais sinon, tu vois les gens faire des choses, après la prière, ils lèvent les mains, et puis quand ils ont fini, ils passent les mains sur le visage, puis sur le corps, et presque tout le monde faisait ça. Hein? Mais, et alhamdoulilah, le frère m'a dit, ça c'est pas dans la sunna, ça c'est des bid'a. Qu'est-ce que les gens ils font? Il n'y a pas de preuve sur ça. Effectivement, c'est des bid'a. Hein? Et donc, pour dire que si tu fais ta religion, tu la pratiques en te basant sur ce que tout le monde fait, parce que tout le monde à un endroit fait quelque chose, toi tu penses que c'est ça l'islam, ou que c'est ça la sunna, tu vas tomber dans l'égarement, ça c'est clair. Hein? Parce que la religion de l'islam, elle n'est pas basée sur les coutumes, ou les traditions, ou les choses que les gens font, parce que tout le monde le fait, ça veut dire que c'est ça. Non, il faut retourner aux preuves et aux références. Donc le cheikh ensuite il dit, on ne doit pas donc chercher la bénédiction de ces choses-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, lui-même il ne l'a jamais fait. Ni les sahaba, les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'ont jamais fait eux aussi. Et ils sont les plus savants de cette umma à propos de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Donc si eux ils ne l'ont pas fait, sache que ce n'est pas correct de le faire. Et de même que les salafus salih, les pieux prédécesseurs, ceux qui ont suivi les sahaba après, hein, qui étaient sur la même voie qu'eux, eux non plus ne l'ont jamais fait. Et ainsi que les meilleures générations, c'est-à-dire les savants des trois meilleures générations, ils n'ont jamais fait ce genre de choses-là. Au contraire, ils se sont accrochés, hein, ils se sont accrochés à la sunna. Il dit, ceux qui s'accrochent à ce genre de pratique, ou à ce genre de reliques, comme ils les appellent, ce sont des ignorants, ce sont des gens superstitieux qui inventent des choses dans la religion. Et pour eux, le dalil n'a pas d'importance. C'est-à-dire pour ces gens-là, le dalil, quand on dit le dalil, c'est soit une preuve du Coran ou de la sunna authentique. Pour ces gens-là, le dalil n'a aucune importance. Et ça, tu le vois dans beaucoup de peuples musulmans, dans beaucoup de pays musulmans. Même peut-être le mot dalil, ils n'ont jamais entendu de leur vie. Et si tu leur dis, c'est quoi le dalil? C'est comme si là, tu les as bouleversés. Parce que tu leur as demandé la preuve. Parce que de toute leur existence, personne ne leur a jamais posé la question, quelle est ta preuve pour ce que tu fais, pour justifier ce que tu fais en islam? Hein? Parce que ça, c'est un principe parmi les principes des salafiyines, des gens qui suivent la sunna. Les ulama d'Ahlus Sunna, ils encouragent toujours les gens à retourner à la preuve, la référence. C'est, d'où est-ce que tu as pris ça? C'est dans quel verset dans le Coran? C'est dans quel hadith? Dans quel livre? Quel imam l'a rapporté? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il n'est pas authentique? C'est quoi la preuve? Alors là, quand tu ramènes les gens au dalil, c'est là que tu commences à, hein, les ramener à la compréhension réelle de cette religion-là. Et donc, pour eux, l'important, ce n'est pas le dalil. L'important, c'est qui est-ce qui l'a fait. Si le cheikh, il l'a fait, ça suffit. Pas besoin de savoir le dalil. Et c'est comme ça que beaucoup de peuples, ils vivent. Beaucoup de pays dans lesquels il y a beaucoup de bid'a et de soufia, La seule chose qui compte pour eux, est-ce que le cheikh il l'a fait. Et pour eux, le cheikh, il est presque au même degré que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour beaucoup de gens, c'est ça la réalité. Même que dans certaines sectes, parmi les soufis, ils donnent à leur cheikh plus d'importance qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et plus que les sahabas, ça c'est certain pour eux. Hein? Donc c'est ce qui fait que ces gens-là tombent dans la bid'ah et dans le shirk aussi. Hein? Dans l'égarement et dans le kufr. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui utilisent ça même pour faire de la religion quelque chose de nationaliste. Ou quelque chose même de tribal. Ou quelque chose de racial même. Hein? Certains ont dit, on a notre version à nous de l'islam. On a notre version, hein, de notre origine à nous de l'islam, qui est différent de l'islam des Arabes, soi-disant. Les Arabes, ils ont leur islam, et nous, on a notre islam à nous, de notre origine, de notre peuple. Et on a nos références, hein, de notre couleur, ou de notre langue, ou de notre pays. On n'a pas besoin d'autres références. On n'a pas besoin de leur... Hein. C'est ce qui fait que ces gens-là tombent dans... Encore une fois, dans le même égarement que les juifs. Hein, de penser que ils sont privilégiés. Alors que, Allah Musta'an, il s'écarte de la révélation. Et il dit, et ces gens-là, donc, ils ont juste un tel a dit et l'autre a dit. C'est là-dessus qu'ils se basent. Ainsi que de suivre leur passion. Il dit donc, le cheikh, le fait de chercher la bénédiction dans les reliques ou dans les arbres, ou dans ce genre de choses, tout ça c'est haram, parce que c'est du shirk, parce que de chercher la bénédiction, hein, de d'autres que Allah, c'est du shirk. Après, le shirk, il explique, il dit, وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا يَشْمَلُ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا الشَّجَرْ وَالْحَجَرْ وَالْقُبُورْ وَالْآثَارِ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ أَوْ الصَّالِحِينَ أَوْ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ كلها لا يجوز التبرك بها وكله داخل في قوله ونحوهما فالتبرك لا يجوز إلا بما جاءت به الأدلة كالتبرك بأسماء الله وصفاته والتبرك بالقرآن والتبرك بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه بعد موته لم يبقى شيء مما انفصل منه صلى الله عليه وسلم وانقطع هذا بموته صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى. Donc le cheikh il dit, ainsi que, yani, quand dans le titre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit donc que le chapitre au sujet de chercher la bénédiction des arbres ou des pierres ou des choses autres. Hein, des choses semblables à ces choses-là. Il dit ça comprend tout ce qu'on a mentionné, ainsi que les arbres, les pierres, les tombes, hein, les tombeaux, les reliques, et toutes les choses qui sont attribuées aux prophètes, les tombes des prophètes, les endroits où les prophètes sont passés, où ils ont été, les hommes pieux, hein, les endroits des pieux ou des saints, soi-disant, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est pas permis de chercher la bénédiction de ces choses-là. Et ça rentre dans ce que l'imam a dit lorsqu'il dit « Wanahwihima ». Il dit donc de chercher la bénédiction. C'est permis uniquement de chercher la bénédiction d'une chose lorsqu'il y a eu un dalil, lorsqu'il y a eu une preuve qui supporte que c'est permis de le faire. Et il dit, comme par exemple, chercher la bénédiction des noms et des attributs d'Allah. Ça, c'est mentionné dans les preuves. Ou de chercher la bénédiction du Coran, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ou de chercher la bénédiction de ceux qui s'est détaché de la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe, Abdul Wahhab? Shafak Allah. Avec les choses qui se passent aujourd'hui, il faut faire attention, hein. En tout cas. Et après, il dit donc qu'il faut chercher la bénédiction. On peut chercher la bénédiction de ce qui s'est séparé du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie. Hein? On a dit par exemple Par exemple, on a mentionné tout à l'heure ses cheveux, sa sueur, sa salive. Hein? Ça, c'est des choses qui font partie de sa personne. Mais il dit, le cher, ça, c'est seulement possible durant sa vie. Parce que après sa mort, il ne reste plus rien de ça. Hein? C'est terminé après sa mort. Hein? Parce qu'il est retourné à Allah, Azza wa Jal. Ensuite, il dit, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, كَبُقْعَةٍ وَقَبْرٍ وَمَشْهَدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمَنْ وَمَنْ يعني اسم شرط يعني والجواب محذوف يعني وتقديره فقد أشرك بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب من تبرك يعني من اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. C'est-à-dire celui qui cherche la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou des choses semblables, eh bien, ça sous-entend que ça veut dire qu'il a commis du shirk. C'est ça que ça veut dire. Et donc, al-buq'a, ça veut dire un lieu ou un endroit. Al-qabr, c'est la tombe ou le tombeau. Et al-mashhad, c'est, yani, l'endroit où un saint a été enterré, ou un homme pieux a été enterré, ou des choses de ce genre. Dans certains pays, Allah al-Musta'an, j'ai vu que ils ont même enterré leurs dirigeants quand ils meurent dans des endroits spéciaux. On appelle ça des mausolées. Et c'est des endroits décorés avec du marbre ou bien avec des mosaïques. Et c'est tout yani, beau à l'intérieur. Et ça c'est pas permis dans l'islam. D'enterrer des gens dans des endroits comme ça. Parce que ça peut amener les gens à tomber dans le shirk et à les vénérer en dehors d'Allah, ou les adorer en dehors d'Allah. Hein? Les prophètes, hein, ils étaient enterrés là où ils mouraient, ils ont interdit de bâtir ou de construire quoi que ce soit sur leur tombe. Et ils sont les meilleurs des hommes. Alors que dire des autres? Et tu vois, par exemple, dans les pays où ils s'attachent à la sunna, comme en Arabie Saoudite, les rois et les gens sont enterrés pareil. Tu ne peux pas distinguer la tombe du roi et la tombe du musulman ordinaire qui est décédé, qui a été enterré à côté. Tout le monde a la même tombe. Même qu'il n'y a même pas rien d'écrit dessus. Tu ne pouvais même pas savoir si c'est sa tombe d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Alors ça veut dire que les gens ne vont pas faire du shirk avec ou tomber dans la vénération ou dans l'élévation de telle ou de telle personne parmi les morts. Parce que dans la mort, on est tous égaux. Donc pourquoi toi, tu veux te faire enterrer avec une tombe en or, ou avec une tombe en marbre, ou avec une tombe avec une grosse mausolée par-dessus? Les gens qui n'ont pas de compréhension, qui n'ont pas de connaissance, et qui sont faibles d'esprit, ou faibles de connaissance, ou faibles de foi, ils voient ça, ils vont penser que ça veut dire que la personne, elle a un pouvoir spécial, ou elle a une valeur spéciale, hein, dans l'au-delà, parce qu'elle est enterré dans cet endroit-là, et ça risque de la faire tomber. Donc c'est pour ça que le dirigeant qui est pieux et qui craint Allah, il doit faire attention à ça et ne pas accepter de se faire enterrer dans ce genre de choses. Hein? Et il faut qu'il y ait cette réforme. Hein? Il faut qu'il y ait cette réforme dans les pays musulmans. De construire un mur autour de la tombe, de mettre un toit sur la tombe, tout ça c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il a interdit tout ça. Et le danger avec ça, c'est qu'une fois qu'une personne fait ça, l'autre, il va vouloir le faire lui aussi. Hein? Et c'est ça que tu vois, par exemple, même dans le cimetière ici à Montréal, ou pas à Montréal, mais à côté, lorsque le cimetière musulman, il y en a un qui est enterré, l'autre il vient, il met une clôture autour de la tombe de son proche qui est mort, il vient mettre une clôture, et il y en a un autre qui vient, il va mettre des fleurs, et il y en a un autre qui vient, l'autre il va installer des lumières. J'en ai vu qui ont mis des sortes de lumières là, hein, avec un truc solaire, ça s'illumine la nuit. Il y en a d'autres qui viennent, ils mettent, je sais pas moi, un panneau avec une sorte de verset de Coran dessus, et puis ça finit plus après. Hein? Il y a des endroits, tu vois, dans les pays musulmans, comment c'est devenu maintenant. Si tu vois ça dans une photo avec un drone, là, tu passes par-dessus le cimetière, tu vas penser que c'est une ville avec des maisons construites. C'est pas des maisons, c'est des tombes. Non, et dans certains pays, et ça peut-être vous avez entendu, mais en Égypte, il y a des endroits, ces cimetières sont devenus des villes. Les pauvres s'y sont installés et ils ont même installé l'électricité à l'intérieur. Ils ont pris les fils, ils ont pris les fils de la ville, ils ont installé ça dans les tombes pour s'installer dedans et vivre dans les cimetières. Parce qu'ils ont pas de, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'endroit pour vivre. Donc, étant donné que les tombes sont des endroits fabriqués comme des maisons, les gens se sont installés dedans. Et ça devient des maisons. Donc, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, subhanallah, hein? Comment tu peux vivre dans une tombe ou dans un cimetière? Il y en a tout ça, c'est parce que les gens, ils ont contredit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « كَبُقْعَةٍ يَعْنِي مِنَ الْأَرْضِ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَيَذْهَبُونَ إِلَيْهَا لَا يُجَدُ بِقَاعَ فِي الْأَرْضِ تُقْصَدُ لِلْبَرَكَةِ وَلِلْعِبَادَةِ فِيهَا إِلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةِ لَا تَشُدُّ الرِّحَالِ أي لا تسافر لأجل العبادة في مكان إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى هذه البقاع التي يذهب إليها للعبادة لأن الله شرع العبادة فيها وجعلها من شعائر دينه صلى الله سبحانه وتعالى وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما عداها فليس هناك بقاع في الأرض تقصد لها ميزة على غيرها أبدا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كل الأرض تصلح للصلاة فلا تحتاج أن تذهب تصلي في مكان معين إلا إذا كان حولك مسجد جماعة تذهب إليه أما إذا لا يوجد مسجد للجماعة فصلي في المكان الذي أنت فيه الأرض كلها لله ما لها ميزة بعضها على بعض. Donc le cheikh il dit, le lieu, en ce qui concerne le lieu, il n'y a pas un endroit sur terre qui est béni, ou un endroit duquel on recherche une bénédiction, vers laquelle on doit aller pour chercher une bénédiction quelconque. Il n'y a pas une terre ou un endroit sur terre spécifique qui est yani visité dans le but d'obtenir une bénédiction quelconque. Il dit soit une bénédiction ou aller faire une adoration dans un endroit particulier, excepté trois mosquées. La mosquée Al-Haram, la mosquée Al-Haram, c'est-à-dire la mosquée sacrée de la Mecque, là où il y a la Kaaba, ça c'est la première, Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Ça c'est les trois mosquées sacrées desquels, hein, ou bien les trois mosquées desquelles on a le droit pour lesquelles on a le droit de faire des voyages pour les visiter, pour adorer Allah dedans. Et il dit, donc ces endroits-là, on peut y aller, on peut faire un voyage pour aller adorer Allah dans ces endroits-là en particulier, parce que ça a été légiféré et ça fait partie des rituels et des symboles de notre religion. Et c'est des mosquées bâties par des prophètes. Hein? C'est des mosquées bâties par des prophètes. Al-Masjid al-Haram s'est bâti par Ibrahim alayhi salam ainsi que son fils Ismaïl. La mosquée du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la mosquée de Al-Aqsa, hein, c'est, yani, si je me rappelle, c'était Yaqub alayhi salam qui l'a fait construire. Et ensuite, Suleyman qui l'a fait reconstruit par la suite. Yani, donc ça c'est les mosquées construites par les prophètes. Si je me souviens bien, c'était ça. Et il dit, en dehors de ça, il n'y a pas d'autres mosquées particulières où on peut faire des voyages pour aller adorer Allah dans un endroit en particulier. Parce que toute la terre entière est une mosquée pour Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ju'ilat li al-ard masjidan wa tahuran. » C'est-à-dire, la terre a été rendue une mosquée pour moi et une source de purification. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'eau, tu peux te purifier avec la terre en faisant le tayammum. Hein? Et il dit, donc, toute la terre est valide comme lieu de prière et donc tu n'as pas le droit, tu n'as pas besoin d'aller à un endroit en particulier ou un endroit spécifique pour prier, excepté s'il y a déjà un endroit qui a été bâti pour faire la prière en jama'a, la mosquée. Donc, dans ce cas-là, tu vas à la mosquée. Mais si tu es dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, eh bien, tu peux toujours faire la prière là où tu es. Parce que toute la terre entière est pour Allah une mosquée. Il n'y a pas un endroit meilleur qu'un autre pour adorer Allah Azza wa Jal. Ensuite, il dit « wa qabrin ». Il dit « qabrun » yani « ka qubur as-salihin wal-awliya ». يقولون أنهم يشفعون وينفعون ويدفعون الضرر مثل قبر البدوي وقبر فلان وقبر فلان فيها وفيها وهذا كله باطل عبادات لغير الله والمشاهد هي نفس المباني التي تكون على القبور يسمونها مشاهد. Donc il dit le cheikh que les tombeaux des saints ou des hommes pieux, hein, ça, c'est des gens qui ont des fausses croyances. Ils pensent que les awliya ou les hommes pieux qui sont enterrés dans ces lieux-là ont le pouvoir d'intercéder ou de repousser le mal ou de ramener un bienfait ou de nous aider. Alors, ils vont à la tombe de certains saints comme Al-Badawi en Égypte ou bien un autre dans d'autres villes. Dans chaque pays, dans les pays musulmans, dans chaque pays, il y a, dans chaque ville presque, des endroits comme ça, où il y a un wali, soi-disant, ou un sayyid qui est enterré. Et dans, même souvent, ils font que dans chaque ville, il y a le wali de la ville. C'est comme en Europe, dans chaque ville, il y a comme un saint patron protecteur de la ville. C'est comme s'il croit que le saint, même après sa mort, il a un pouvoir de protéger la ville. Et ils mettent leur espoir dans cette personne-là et ils lui font des prières, ils cherchent la bénédiction de cet homme-là et de cette femme-là, si c'est une sainte. Hein? Et si vous regardez, par exemple, dans les villes, dans toutes les villes de France, hein, y a, dans les plus hauts points, ils ont construit toujours des grosses cathédrales ou des églises. Où ils l'appellent Notre-Dame de telle place, Notre-Dame de telle place. Et ils pensent que Notre-Dame, c'est Marie, en fait. Hein? Et ils pensent qu'elle protège la ville à partir de cet endroit-là. Et tout ça, c'est du shirk. Et dans les pays musulmans, il y en a qui ont cette croyance-là aussi. Dans la ville, dans telle ville, il y a tel saint. C'est lui qui protège la ville. Dans telle ville, il y a un autre wali, un autre saint ou un sayyid. C'est lui qui protège la ville. C'est lui qui bénit les récoltes. C'est lui qui fait en sorte que telle chose marche. Si tu es malade, tu vas aller le voir. C'est lui qui va te guérir. Hein? Et ils font le shirk de cette façon-là. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais un livre. Je pense que je l'ai encore à la maison. C'était écrit les pèlerinages au Maroc. C'était un livre qui s'appelle « Les pèlerinages au Maroc ». Et c'était écrit par une ethnologue de la Hollande, des Pays-Bas, qui avait vécu au Maroc pendant 2 ou 3 ans pour faire une étude justement sur les pèlerinages qui sont faits aux différents tombes des saints dans les différentes villes du Maroc et des périodes, des saisons de pèlerinage qu'on appelle en arabe « al-mawasim ». Hein? Et elle a mis sur une carte, dans le livre, tu vois, la carte du Maroc avec toutes les villes et les points où il y a les endroits où il y a les tombes où les gens vont faire les pèlerinages et à quel moment de l'année ils vont faire pèlerinage à telle ville, à tel saint et à telle ville, tel saint, telle ville, tel saint et ainsi de suite. Donc moi quand j'ai lu ce livre-là la première fois, je me rappelle, ça m'avait vraiment surpris. Pourquoi? Parce que j'ai lu les livres du Tawhid et les ulama qui parlent de ça, du shirk, des tombes et tout ça. Mais je pensais que c'était des choses du passé. Hein? Je pensais que c'était des choses qu'ils décrivaient, qui se passaient il y a 1000 ans en arrière ou je ne sais pas quand, et que c'était fini aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'à notre époque, il y a encore des musulmans qui adoraient des tombes, qui priaient à des morts et qui vénéraient des saints. Eh bien, subhanallah, j'ai été surpris de voir ça. Et c'est comme si on dirait qu'en apparence, quand on regarde, par exemple, surtout quand on vit ici, au Canada par exemple, ou dans un pays occidental, on le voit pas, on voit pas ces pratiques-là. Pourquoi? Parce que les musulmans sont pas venus avec leur tombe ou leur saint jusqu'en Amérique ou en Europe pour les amener avec eux. Hein? Mais quand tu retournes dans les pays des musulmans, les pays d'origine où il y a les musulmans, tu vois, c'est là que tu vois le shirk. En Algérie, la même chose. En Tunisie, la même chose. En Libye, la même chose. En Égypte, ah là, il y en a encore plus là-bas. L'Égypte, je pense que c'est le pire parmi les pays de l'Afrique du Nord. Et dans les pays africains, Afrique noire, la même chose. Hein? Après, tu vas aller en Iran, en Irak, là, il y en a plein. Tu vas aller en Cham, en Syrie, en Palestine, là-bas, la même chose. En Turquie, hein, encore plus. Tu vas aller en Pakistan, en Inde, c'est rempli. En Indonésie, en Malaisie, là, il y en a aussi là-bas. Hein? C'est rempli partout dans les pays musulmans. Et il y en avait même en Arabie Saoudite, mais parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a été supporté par Mohammed bin Saoud, et il a accepté la da'wa du tawhid et de la sunna, et il a accepté justement de combattre pour éliminer ces manifestations de shirk, et c'est pour cette raison-là que là-bas, il n'y en a pas. Mais sinon, avant, il y en avait. Il y en avait des tombes des sahaba, des tombes d'un tel et d'un tel. Et les ashraf qui étaient à la Mecque, les ashraf, c'est-à-dire, les ashraf, on parle de qui? C'était la famille qui gouvernait la Mecque et Médine avant les Saoudiens. Et les ashraf, ils avaient un lien avec l'Empire ottoman. OK? Eh bien, à l'époque des ashraf, si tu regardes les photos qu'ils ont montrées du Baqi', le cimetière à côté de Masjid al-Nabawi, les photos qu'il y avait de l'époque du Baqi', tu vois, c'est rempli de dômes et de mausolées dans le cimetière. Tu vois ça, tu vois plein de constructions par-dessus. Tout ça, ça a été rasé. Aujourd'hui, tu ne les vois plus si tu vas là-bas. Mais il y a certaines, tu vois, à certains endroits, tu vois, il y a des restants de briques ou de construction pour montrer qu'à ces endroits-là, il y avait ça. Et que, alhamdulillah, ça a été éliminé. Mais tout ça, c'est des exemples qui montrent que quand les gens s'éloignent du tawhid, c'est ça qui arrive. Hein? Ils suivent leur passion, puis ils commencent à vénérer les morts au lieu d'adorer Allah. Il y en a encore en Algérie, mon frère. Dans les montagnes, dans les lieux éloignés, oui, il y en a, chez les Kabyles aussi, et en Kabylie, puis dans différents endroits. J'ai vu des vidéos où les gens, ils s'en vont visiter l'Ouali Foulan, ou l'Ouali Foulan. Même il y a des chansons Kabyles qui disent, on va aller visiter l'Ouali, on va aller de telle chose. C'est vrai qu'alhamdoulilah, il y a eu une da'wa salafie en Algérie, qui fait que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont éliminées, mais n'empêche qu'il y a encore les turqs. Et les Zawaya, hein, Zawaya Soufia, ça continue encore en Algérie. Et c'est eux qui contrôlent même les questions religieuses en Algérie, c'est les Soufis en ce moment, les Asha'ira Soufiyin. Mais sinon, il y a plein de Shour Salafiyin, des Du'at Salafiyin, parce qu'alhamdoulilah, ils sont très forts. Ils sont très forts, mais n'empêche que, c'est quelque chose qu'il faut toujours continuer à faire revivre, le tawhid. Ça, parce que le combat entre le tawhid et le shirk, entre le haq et le batil, il est permanent, il est éternel. C'est-à-dire que ça ne va jamais finir. Regardez en Égypte maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de rénover toutes les anciennes pyramides et les trucs de shirk de la jahiliya. Ils sont en train de le faire revivre. En Mésopotamie, en Irak, à Babylone et autres, et toutes les anciennes affaires de shirk, ils sont en train de les ressortir, puis de les reconstruire, de rénover ça. Et tu vas aller en Afrique de l'Ouest, la même chose. Ils sont en train de chercher toutes les anciennes sculptures, toutes les idoles, les affaires que les gens adoraient dans le shirk, des affaires de shirk, ils veulent les rénover. Puis après, ils disent, ça, c'est le patrimoine de l'humanité. Ben, ils disent que c'est pour le tourisme. Mais c'est comme ça qu'ils essaient en même temps de faire revivre le kufr et le shirk. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé, il a dit dans un hadith que avant la fin des temps, il y a des tribus arabes qui vont recommencer à adorer les idoles. Donc, c'est-à-dire que le shirk, il faut faire attention, c'est-à-dire on n'est jamais à l'abri. Hein? On va s'arrêter ici déjà parce que le temps est proche et j'ai dépassé l'heure. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته